un Noël d'amour à ceux qui s'aiment, un Noël tout seul, un Noël rempli de joie et de d'amour à ceux qui ont froid, un Noël chaleur, un Noël rempli d'amour et d'amitié. Et pour les chagrins d'amour, et pour tous les cas oubliés, une nuit d'espoir et d'amour, un Noël d'amour à tout l'univers. Noël de paix, un Noël rempli de rêves et de cadeaux, et pour vous tous un merveilleux Noël. Cadeau.